ça arrête pas de couper chez moi, pourquoi ça coupe? Ça marche pas ce soir. Thank you. Thank you. Thank you.